Être avec toi, ô Jésus, c'est oublier le passé, ce temps de douleur, de peine, de malheur. Être avec toi, je le veux. Vivre avec toi, au creux de ta gloire, se voir, oui, mon rêve s'accomplir. Marcher avec toi, partager ton amour. Vivre avec toi, oui, je le veux. Le prince de paix, ta présence me rassure, Jésus. Ta puissance me libère quand je suis près de toi. Être avec toi, je le veux. Je sens tout en moi la douceur de ta voix, le parfum de ta vie. Je suis fou d'habiter constamment le jardin de tes biens. Vivre avec toi, c'est mon choix. Toi, être comme toi, je veux. l'amour de ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. Zaza. ya solo. Santo lobiko ya babulisani oye ute paina yawe naina ponio naina ponio yakana mote yakana mote naina lingio naina lingio otana bomo inanga naina Sana, o te singa o ezanga kinga ya mutu ya

Yeah. nanga Yesu. Aya ya. Okomanyo so pona nga divano ya ya. Olongwana nga kobanga liboso ya bayini nanga. Oza katango nyoso liboso ya we. Pona kobongisa banje nanga. Yonde ya malamu Yesu. Alléluia. Nazara kalika ya ya. Yawe ya linga kangai. Nazara kaliki lombe. Lombe ya kipa kangai. Amoni pizoli oyo ebi mina mi sote. Asali nyoso nesika na pesi lifuta teo. Eswa ya kaloko la mungu anabite ya pese lengi na vi. Aya kaloko la moyi nabite ya longa butu nangai. Aloba kaloko la kake lona bayo kiba panzani. Soki natali mone na zelae. Aina yo kisomo natali lobo kwa jezi. Na yo kesengoe. Elombe onatamboli na ye. Esa yesengo. Vayamos. yo za malamu Yesu na ngai Bilaka yo pesa na bandoto Lelo yeko kisani Yesu Bitumbo ele kanga makasi Tepi yo kotanga na longa Losambo na sala na bosana Lelo yela tindoto Olamu yezala kielaka Lelo na simbi Olamu na wele kindelo Ele kindelo ya mabanzo nanga Olamu na wele kindelo Ele kibolingwa baboti nanga Masumo yo ba jeje ba kondana Yesu yonde mi yo limbisa Esika nazika na lifelo Yesu yonde mi ekulusu Olamu ya boe na monate Na mokili ezalate Boke senya bolingwa Yesu Ya Yesu nanu ekosate Diferansa bola mwanzambe Ya nzambe nanu epolate Bese de ger ndenga yoyo Nazwabaku nazwabakae Denge na tele mikakaboye Eza bola mwanzambe Bola mwanzambe Denge boyo ninga lelo boye Eza bola mwanzambe Soki boyo kina simbi mbongo Eza bola mwanzambe Kisina nga mwana te Eza bola mwanzambe Ngai, nasimbi nga bondo kite Eza bola mwanzambe Na bomi te, na te, kimo kongo te Eza bola mwanzambe Soki boyoki na boti mapasa Eza bola mwanzambe Soki oyoki na resursa minanga Eza bola mwanzambe Denge na tele mikaka boye Expression bola mwanzambe Nzoto ya mwana muto yeah, yeah. Nazongi sela yoni Na bolingo nyosa ya pesi nanga Na futa yoni ni yesu, yesu Na kobate la nyoso bateli Na kopambo la nyoso pamboli Na futa yo nini Malingi Yesu Nabila kanyoso yo pesa nanga Mandenge oza koko kisa Na futa yo nini Malingi Yesu Eloko na koki kosala eza Kulinga Yesu Tangona lapi nandai Malingi Yesu Einda to Ya mon âme te loue encore. Voilà, on a mon ami son angaï. Ya on a le bio sa malam. Voilà, mon amoni, on a simi. Et bien, on a le zem, on a malam. Alléluia. Alléluia. Alléluia.